Ainsi croyais-tu? D'accord. Je serai, je pense, un peu amoureux. Amour, rendez-vous de promesse. Amour, rendez-vous de promesse. Thank you. des sourires sur vos visages. Je ne suis que l'ombre de vos vies. J'y pense un monde à votre image. Oh yeah. Oh.